En Corée, il y a eu le 19 décembre, au palais des congrès de Mansudae à Pyongyang, la cérémonie de remise des citations d'État de l'ancien 5 du Juche 2016. Y ont participé Kim Yong-nam et autres cadres responsables du parti et de l'État, les cadres militaires et civils, les militaires et les travailleurs qui ont accompli de grands exploits dans l'édification d'une puissance socialiste. Y étaient présents comme observateurs les fonctionnaires des ministères et des établissements centraux, ainsi que les permanents du parti et de l'administration, les méritants, les novateurs de travail de la capitale et des provinces. Après la lecture du décret du présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, l'ordre Kim Il-sung et l'ordre Kim Jong-il sont décernés respectivement à une personne, le titre de héros du travail de la République populaire démocratique de Corée, la médaille d'or au marteau et faucille et l'ordre du drapeau national de première classe à 8 personnes, la montre portant le nom du président Kim Il-sung à 2 personnes, la montre portant le nom du général Kim Jong-il à 2 personnes, la citation du dirigeant suprême Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, à 19 personnes, la citation de Kim Jong-un, commandant suprême de l'armée populaire de Corée, à 2 personnes, le prix d'honneur Kim Il-sung pour la jeunesse à 1 personne, le prix d'honneur Kim Jong-il pour la jeunesse à 3 personnes, et le titre de sportif du peuple à 1 personne. Beaucoup d'autres méritants ont reçu les titres d'honneur et l'ordre du drapeau national de première classe. Il y a eu les interventions suivies de l'adoption d'une résolution.